Blessé, je t'ai blessé. Tout ça moins dire, tout ça moins faire, moins désolé. Même si, sans faire esprit, oui, m'a trahi, ouais, ça fait mal. Mais faut qu'on sache, moi t'aimer. Brisé, mitière brisée. Toute flèche d'amour qui t'est à dents, vini fané. Fragile, ou si fragile, nous te promettre l'amour soleil, mais ça m'en bat. M'a faire pleurer, sans même garder, et m'a menti souvent, sans s'aboutir. Courir la vie, chercher plaisir, et où t'es là, t'es à attendre, moi qui vini. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi, c'est pas faute moi. C'est un homme qui a dit souvent que je suis un petit pardon. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi, c'est pas faute moi. Mais c'est con en dix chansons pour paraître innocent. Trop tard, et bien trop tard, m'en pas vini pour s'y plier en dernière fois. Même si m'en bien envie, ça partait que sa vie a rien, mais faut qu'on sache, moi t'aime. Bien tout seul, pour moi payer tout ça, moi dire tout mal m'a fait. Tant pis, peut-être aussi, nous pas t'es fait pour vivre ensemble, mais ça qui ça, moi pas voler, moi pas tuer, oui, mais ça m'a fait mille fois bien plus mauvais. La vie qu'a continué. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. C'est un homme qui a dit souvent Dieu se mouanti pardon. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. Oui, c'est con en tes chansons pour paraître innocent. Je n'ai pas su t'aimer, toi qui m'as tout donné. M'a pas tenu tant apprécié la vie côté où, à présent ça finit, faut courir.